1876, vendredi 14 janvier. À 11h est venu Katorbinski, mon jeune et polonais professeur de peinture, et avec lui, il amenait un modèle, une vraie figure de Christ, en adoucissant un peu les lignes et les nuances. Ce malheureux n'a qu'une jambe, il ne pose que pour la tête. Katorbinski me dit que c'est lui qu'il prenait pour ses Christ. Je dois avouer que je fus légèrement intimidé lorsqu'on me dit de copier d'après nature, comme ça, tout de suite, sans préparation. Je pris le fusain et dessinai bravement les contours. « C'est bien, » dit le maître. « À présent, faites la même chose avec le pinceau. » Je pris le pinceau et je fis ce qu'il disait. « Bien, » dit-il encore. « À présent, peignez. » Et je peignis, et au bout d'une demi-heure, c'était fait. Mon malheureux modèle n'avait pas bougé. Et moi, je n'en croyais pas mes yeux. Avec Binsa, il me fallait 2 ou 3 leçons pour le contour au crayon et pour copier une toile. Tandis qu'ici, tout était fait en une fois et d'après nature, contour, couleur, fond. Je suis contente de moi, et si je le dis, c'est que je le mérite. Je suis sévère, et c'est difficile de me contenter, surtout moi-même. Rien ne se perd en ce monde. Où irait donc mon amour? Chaque créature, chaque homme, a une égale partie de ce fluide enfermé en lui. Seulement, d'après sa constitution, son caractère et les circonstances, il paraît en avoir plus ou moins. Chaque homme aime continuellement, mais des objets différents, et lorsqu'il paraît ne pas aimer du tout, le fluide s'en va vers Dieu, ou vers la nature, en parole, en écrit, ou simplement en soupir ou en pensée. Maintenant, il y a des créatures qui boivent, mangent, rient et ne font pas autre chose. Chez celles-là, le fluide est ou bien absorbé par les instincts animaux, ou bien éparpillé sur tous les objets et sur tous les hommes en général, sans distinction. Et ce sont là les personnes qu'on nomme bienveillantes et qui, en général, ne savent pas aimer. Il y a aussi des créatures qui n'aiment personne, comme on dit vulgairement. C'est inexact. Elles aiment toujours quelqu'un, mais d'une façon différente des autres, qui leur est particulière. Mais il y a encore des malheureux qui véritablement n'aiment pas, parce qu'ils ont aimé et qu'ils n'aiment plus. Encore une erreur. Ils n'aiment plus, dit-on. Bien. Pourquoi souffrent-ils alors? Parce qu'ils aiment toujours et pensent ne plus aimer. Ou à cause d'un amour contrarié, ou de la perte d'une personne chère. Chez moi, plus que chez tout autre, le fluide s'est fait sentir et se montre sans cesse. Si je le renfermais en moi-même, il me ferait éclater. Je le répands comme une pluie bienfaisante sur un indigne géranium rouge qui ne s'en doute même pas. C'est une de mes fantaisies. Il me plaît, et j'imagine un tas de choses, et je m'habitue à penser à lui, et une fois habitué, je me déshabitue difficilement. Je suis triste. Je crains de craindre. Car lorsque je crains une vilainie, elle arrive toujours. Je n'ose pas prier Dieu, car je n'ai qu'à prier, pour que ce que je demande n'arrive pas. Je n'ose pas rester sans prier, car après je dirais « Ah, si j'avais prié Dieu !» Décidément, je vais prier, au moins je n'aurai rien à me reprocher. Jeudi 20 janvier. Aujourd'hui, Facciotti m'a fait chanter toutes mes notes. J'ai 3 octaves moins 2 notes. Il a été émerveillé. Quant à moi, je ne me sens pas de joie. Ma voix, mon trésor, mon rêve, c'est de me mettre glorieusement sur la scène. C'est pour moi tout aussi beau que de devenir princesse. Nous sommes allés dans l'atelier de Monteverde, puis dans celui du marquis d'Épinay, pour lequel nous avions une lettre. D'Épinay fait des statues merveilleuses. Il m'a montré toutes ses études, tous ses essais. Madame M. lui a parlé de Marie comme d'un être extraordinaire et artiste. Nous admirons et lui demandons de faire ma statue. Cela coûtera 20 000 francs. C'est cher, mais c'est beau. Je lui dis que je m'aime beaucoup. Il mesure mon pied sur celui d'une statue, le mien est plus petit. D'Épinay s'écrie que c'est Cendrillon. Il habille et coiffe admirablement ses statues. Je brûle de me faire sculpter. Dieu, entendez-moi. Conservez ma voix. Si je perds tout, ma voix me restera. Mon Dieu, continuez à être bon pour moi. Faites que je ne meure pas de dépit et de chagrin. J'ai tant envie d'aller dans le monde. Le temps passe et je n'avance pas. Je suis cloué à ma place, moi qui veux vivre, vivre en courant, en chemin de fer, moi qui brûle, qui boue, qui m'impatiente. Je n'ai jamais vu une telle fièvre de vie, a dit Doria de moi. Si vous me connaissiez, vous auriez une idée de mon impatience, de ma douleur. Pitié, mon Dieu, pitié, je n'ai que vous. C'est vous que je prie, c'est vous qui pouvez me consoler. Jeudi 30 mars. Aujourd'hui, dans ma chambre, seul, enfermé à clé, je vais raisonner sur la grande affaire. Depuis quelques jours, ma position est fausse. Et pourquoi est-elle fausse? Parce que Pietro m'a demandé d'être sa femme. Parce que je n'ai pas refusé carrément. Parce qu'il en a parlé à ses parents. Parce que ses parents ne sont pas faciles à mener. Et parce que Visconti a dit à maman ce qui suit. Il faut savoir, madame, où vous voulez marier votre fille. A commencé Visconti après avoir fait l'éloge de la fortune et de la personne de Pietro. Je n'ai aucune idée arrêtée, a dit maman. Et puis ma fille est si jeune. Non, madame. Il faut dire les choses carrément. Voulez-vous la marier à l'étranger ou en Russie? J'aimerais mieux à l'étranger, parce que je pense qu'à l'étranger, elle sera plus heureuse, puisqu'elle y a été élevée. Eh bien, il faut aussi savoir si toute votre famille consentirait à l'avoir mariée à un catholique, et à voir les enfants qui naîtraient de cette union être de la religion catholique. Notre famille verra avec plaisir tout ce qui pourrait rendre heureuse ma fille. Et quels seraient les rapports de votre famille avec la famille du mari? Mais je pense que ce serait d'excellents rapports, d'autant plus que les deux familles se verraient rarement ou pas du tout. Pierre A est un charmant jeune homme et qui sera très riche, mais le pape se mêle de toutes les affaires des A, et le pape fera des difficultés. Mais, monsieur, pourquoi dites-vous tout cela? Il n'est pas question de mariage. J'aime ce jeune homme comme un enfant, mais pas comme un gendre futur. Voilà à peu près tout ce que j'ai obtenu de la mémoire de madame ma mère. Il serait très raisonnable de partir, d'autant plus que rien ne sera perdu à être remis à l'hiver prochain. Il faut partir dès demain. Je vais m'y préparer, c'est-à-dire aller voir les merveilles romaines que je n'ai pas encore vues. Oui, mais ce qui me chiffonne, c'est que l'opposition ne vient pas de notre côté, mais bien du côté des A. C'est laid, et ma fierté se révolte. Quittons Rome. Il n'est pas très agréable, en vérité, qu'on fasse difficulté de vouloir de moi, quand moi-même je ne veux pas d'eux. Rome est une ville si cancanière que tout le monde parle de cela, et je suis la dernière à m'en apercevoir. C'est toujours comme cela. Je me mets sans doute en fureur à l'idée qu'on veut me reprendre Pietro. Mais je vois plus pour moi et j'aspire à plus de grandeur, Dieu merci. Si A était conforme au programme, je ne me fâcherais pas. Mais un homme que j'ai refusé dans mon esprit comme insuffisant, il n'ose dire que le pape ne le permettra pas. Je suis furieuse, mais attendez un moment. Le soir arrive, et avec le soir, Pietro A. Nous le recevons assez froidement à la suite des paroles du baron Visconti et d'une foule de suppositions, car depuis ce discours du Visconti, on ne fait que supposer. « Demain, » dit Pietro après quelques instants, « je pars. »« Pour où ?»« Pour Terracina. »« J'y resterai 8 jours, je pense. »« On le renvoie, » murmure maman en russe. « Je le disais bien, mais quelle honte, je vais pleurer de rage. »« Oui, c'est désagréable, » répondis-je de même. Oh, chien de prêtre, vous comprenez bien que c'est humiliant comme tout. La conversation s'en ressent. Maman est si offensée, si furieuse, que son mal de tête redouble, et on la conduit chez elle. Dina se recule d'abord. On était tacitement d'accord pour me laisser seule avec lui, afin de savoir la vérité. Une fois seule, j'ai attaqué bravement, bien qu'un peu tremblante. Pourquoi partez-vous? Où allez-vous? Ah bien oui. Si vous croyez qu'il m'a répondu aussi carrément que je l'ai questionné, vous vous trompez. J'ai demandé, et il a éludé de répondre. « Quelle est votre devise, mademoiselle ? » demanda-t-il. « Rien avant moi, rien après moi, rien en dehors de moi. »« Eh bien, c'est la mienne. Tant pis. » Alors commencèrent des protestations tellement vraies qu'elles en étaient difformes. Des paroles d'amour sans commencement et sans suite, des élans de colère, des reproches. Je soutins cette grêle avec autant de dignité que de calme. « Je vous aime à en mourir, » continua-t-il, « mais je n'ai pas confiance en vous. Vous vous êtes toujours moqué de moi, vous avez toujours ri, vous avez toujours été froide avec vos questions de juge d'instruction. Que voulez-vous que je vous dise quand je vois que vous ne m'aimerez jamais ?» J'écoutais, raide et immobile, ne me laissant même pas toucher la main. Je voulais à tout prix savoir. J'étais trop misérable dans cette inquiétude assaisonnée d'un million de soupçons. Eh, monsieur, vous voulez que j'aime un homme que je ne connais pas, qui me cache tout? Dites, et je vous croirai. Dites, et je vous promets de vous donner une réponse. Écoutez-moi bien. Après cela, je vous promets de vous donner une réponse. Mais vous vous moquerez de moi, mademoiselle, si je vous le dis. Vous comprenez que c'est un tel secret. Le dire, c'est me dévoiler tout entier. Il y a de ces choses tellement intimes qu'on ne les dit à personne au monde. Dites, j'attends. Je vous le dirai. « Mais vous vous moquerez de moi, je vous jure que non. »« après bien des promesses de ne pas rire et de ne raconter rien à personne, il me l'a dit, enfin. L'année passée, étant soldat à Vicenza, il a fait 34 000 francs de dette. Depuis qu'il est retourné à la maison, c'est-à-dire depuis 10 mois, il est en froid avec son père qui ne voulait pas payer. Enfin, il y a quelques jours, il fit semblant de partir en disant qu'il était trop maltraité à la maison. Alors sa mère vint lui dire que son père paierait les dettes, à condition qu'il mènerait une vie sage. Et pour commencer, et avant de te réconcilier avec tes parents, tu dois te réconcilier avec Dieu. Il ne s'est pas confessé depuis longtemps. En un mot, il va se retirer pour 8 jours dans le couvent de San Giovanni et Paolo, Montecelio, près du Colisée. J'ai assez de peine à rester sérieuse, je vous assure. Pour nous, cela semble baroque, mais c'est tout naturel pour les catholiques de Rome. Voilà donc le secret. Je m'appuyais à la cheminée et à la chaise en détournant les yeux, qui étaient, le diable sait pourquoi, pleins de larmes. Il s'appuyait à côté de moi, et nous sommes restés quelques secondes sans parler et sans nous regarder. Nous sommes restés 1 heure debout, à parler. De quoi ? D'amour, sans doute. Je sais tout ce que je voulais savoir. J'ai tout tiré de lui. Il n'a pas parlé à son père, mais il a tout dit à sa mère. Il m'a nommé. D'ailleurs, dit-il, vous pouvez être sûre, mademoiselle, que mes parents n'ont rien contre vous. Il n'y a que la religion. Je sais bien qu'ils ne peuvent avoir rien contre moi, car si je consente à vous épouser, c'est vous qui seriez honorée et non pas moi. J'ai soin de me montrer sévère, prude, comme je le suis, et d'exposer des principes de morale d'une pureté abracadabrante, pour qu'il raconte tout à sa mère, puisqu'il lui dit tout. Il ne m'a jamais parlé comme ce soir. « Je vous aime, je vous adore, je suis fou, » disait-il fort bas et fort vite. « M'aimez-vous un peu, dites. Et si je vous aime, à quoi cela servira-t-il ? À nous rendre heureux, parbleu. Je ne puis me décider moi-même. Vous savez, monsieur, il y a les pères et les mères. Les miens, mademoiselle, n'ont rien contre, je puis vous le garantir. Soyons fiancés. » Pas si vite, monsieur. Qu'avez-vous dit à votre mère ? Comment lui avez-vous parlé ? Je lui ai dit, vous avez tant désiré que je me marie. J'ai trouvé quelqu'un que j'aime, je veux me marier et vivre comme il faut. Et ma mère m'a répondu qu'il fallait beaucoup penser avant de faire un pas si sérieux et toutes sortes de choses. C'est tout naturel. Et à votre père, avez-vous parlé ? Non. Je vous demande cela parce qu'on en parle en ville. Et on a parlé à maman qui a été très fâchée de cela. Ma mère lui a sans doute parlé. Il est plus de 2 heures et je ne finirai jamais d'écrire si je disais la moitié seulement. Et puis c'est bête, on ne peut écrire que les choses dures. Quant aux choses douces, elles ne peuvent s'écrire, et ce sont les seules choses amusantes à lire. Dimanche à 2 heures, je serai en face du couvent, et il se montrera à la fenêtre en s'essuyant la figure avec un linge blanc. De suite, je cours pour calmer l'amour-propre blessé de maman et je raconte tout, mais en riant, pour ne pas paraître amoureuse. Pour le moment, assez. Je suis tranquille, heureuse, surtout heureuse devant les miens, qui avaient déjà baissé les oreilles. Il est tard, vraiment, il faut dormir. Mercredi 19 avril. Voyez le désavantage de ma position. Pietro, sans moi, a le cercle, le monde, ses amis, tout, en un mot, excepté moi. Tandis que moi, sans Pietro, je n'ai rien. Je ne suis pour lui qu'une occupation de luxe. Lui était pour moi tout. Il me faisait oublier mes préoccupations de jouer un rôle dans le monde et je n'y pensais pas, et ne m'occupais que de lui, trop heureuse d'échapper à mes pensées. Quoi que je devienne, je lègue mon journal au public. Tous les livres qu'on lit sont des inventions, les situations y sont forcées, les caractères faux, tandis que ceci, c'est la photographie de toute une vie. Ah, direz-vous, cette photographie est ennuyeuse, tandis que les inventions sont amusantes. Si vous dites cela, vous me donnez une bien petite idée de votre intelligence. Je vous offre ici ce qu'on n'a encore jamais vu. Tous les mémoires, tous les journaux, toutes les lettres qu'on publie ne sont que des inventions fardées et destinées à tromper le monde. Je n'ai aucun intérêt à tromper. Je n'ai ni acte politique à voiler, ni relation criminelle à dissimuler. Personne ne s'inquiète si j'aime ou si je n'aime pas, si je pleure ou si je ris. Mon plus grand soin est de m'exprimer aussi exactement que possible. Je ne me fais pas illusion sur mon style et mon orthographe. J'écris des lettres sans faute, mais au milieu de cet océan de mots, j'en laisse échapper sans doute beaucoup. Je fais en outre des fautes de français. Je suis étrangère, mais demandez-moi de m'exprimer dans ma langue, je le ferai peut-être plus mal encore. Mais ce n'est pas pour dire tout cela que j'ai ouvert le cahier. C'est pour dire qu'il n'est pas midi, que je suis livré plus que jamais à mes tourmentes pensées, que que ma poitrine est oppressée et que je hurlerai volontiers. D'ailleurs, c'est mon état naturel. Le ciel est gris, la Kia Aljo n'est traversée que par des fiacres et de sales piétons. Les stupides arbres plantés de chaque côté empêchent de voir la mer. À Nice, à la promenade des Anglais, on a les villas d'un côté et de l'autre la mer qui vient se briser sur les galets sans aucun empêchement. Ici, on a les maisons d'un côté, de l'autre une espèce de jardin qui se continue aussi longuement que la rue qui le sépare de la mer, dont il est lui-même séparé par un assez grand espace de terrain vide, couvert de pierres, de constructions et offrant un spectacle de tristesse vraiment désolant. Arrivé sur le carré qui termine la Chiaja et qui est planté de jolis arbustes, on se sent bien mieux, et cet endroit-là est joli. Plus loin, on entre sur le quai. À gauche, les maisons. À droite, la mer. Mais la mer arrêtée par un mur à balustres et garni de marchands d'huîtres, de coquillages. Puis viennent les grilles du port. Les différentes constructions du service des bateaux, le port lui-même. Mais ça, ce n'est plus la mer, c'est un sale endroit, tout obstrué par un tas de laideurs. Le temps gris me rend toujours un peu triste, mais ici, mais aujourd'hui, il m'opprime. Ce silence de mort dans notre appartement d'hôtel, ce bruit agaçant de fiacres et de charrettes à grelots au dehors, ce ciel gris, ce vent qui agite les rideaux. Ah, je suis bien misérable, et il ne faut m'en prendre ni au ciel ni à la mer, mais à la terre. Mercredi 14 juin. Outre le triomphe que je procure à ce petit garçon italien qui me cause une vive contrariété, je vois encore le scandale qui résulte de cette affaire. Je ne m'attendais pas à une aventure de ce genre. Je n'avais rien prévu de semblable. Je n'ai jamais imaginé une pareille chose pour moi. Je savais que cela arrivait, mais je n'y croyais pas. Je ne me rendais pas compte, comme on ne se rend pas compte de la mort, quand on n'a jamais vu un mort. Oh, ma vie, ma pauvre vie! Si je suis jolie autant que je le dis, pourquoi ne m'aime-t-on pas? On me regarde. On est amoureux, mais on ne m'aime pas, moi qui ai tant besoin d'être aimé. Ce sont les romans qui me montent la tête. Non, mais je lis les romans parce que j'ai la tête montée. Je relis de vieux livres, je recherche avec une déplorable avidité les scènes, les paroles d'amour. Je les dévore parce qu'il me semble que j'aime, parce qu'il me semble que je ne suis pas aimé. J'aime, oui, car je ne veux pas donner un autre nom à ce que j'éprouve. Eh bien non, ce n'est pas cela que je veux. Je veux aller dans le monde, je veux y briller. Je veux y avoir un rang suprême. Je veux être riche. Je veux des tableaux, des palais, des bijoux. Je veux être le centre d'un cercle politique brillant, littéraire, bienfaisant, frivole. Je veux tout cela. Que Dieu me le donne. Mon Dieu, ne me punissez pas pour ces pensées follement ambitieuses. N'y a-t-il pas des gens qui naissent au milieu de tout cela et qui trouvent tout naturel de le posséder et qui n'en remercient pas Dieu ? Suis-je coupable en désirant d'être grande? Non, car je veux employer ma grandeur à remercier Dieu et à désirer être heureuse. Est-ce défendu de désirer être heureuse? Ceux qui trouvent leur bonheur dans une modeste et confortable maison sont-ils moins ambitieux que moi? Non, car ils ne voient pas davantage. Celui qui se contente de passer humblement sa vie dans le sein du ménage, est-ce un homme modeste, modéré dans sa volonté, par vertu, par résignation, par sagesse? Non, non, non. Il est tel parce qu'il se trouve heureux ainsi, parce que vivre obscurément est pour lui le suprême bonheur, et s'il ne désire pas le fracas, c'est qu'il s'en trouverait malheureux. Il y en a aussi qui n'osent pas. Ceux-là ne sont pas des sages, mais des lâches, car ils désirent sourdement et restent là où ils sont, non par vertu chrétienne, mais bien par leur nature timide et incapable. Mon Dieu, si je raisonne mal, éclairez-moi, pardonnez-moi, ayez pitié de moi. Dimanche 2 juillet. Ah, quelle chaleur, quel ennui! J'ai tort de dire ennui. On ne peut pas s'ennuyer, ayant des ressources en soi-même comme moi. Je ne m'ennuie pas, car je lis, je chante, je peins, je rêve. Mais je suis inquiète et triste. Ma pauvre Geneviève va-t-elle donc se passer entre la salle à manger et les tracasseries domestiques? La femme vit de 16 à 40 ans. Je tremble à la pensée de pouvoir perdre un mois de ma vie. Pourquoi ai-je donc étudié, tâché de savoir plus que les autres femmes, me piquant de savoir toutes les sciences qu'on attribue aux hommes illustres dans leur biographie? J'ai des notions de tout, mais je n'ai approfondi que l'histoire et la littérature, physique, pour tout lire, tout ce qui est intéressant. Il est vrai que, quand je m'y mets, je trouve tout intéressant, et ça me donne une vraie fièvre. Pourquoi donc avoir étudié, pensé? Pourquoi le chant, l'esprit, la beauté? Pour moisir, pour mourir de tristesse? Ignorante, brute, je serais peut-être heureuse. pas une âme vivante avec qui échanger une parole. La famille ne suffit pas à un être de 16 ans, à un être comme moi, surtout. Grand-papa est certes un homme éclairé, mais vieux, mais aveugle, mais agaçant, avec son domestique Tryphon et ses plaintes éternelles contre le dîner. Maman a beaucoup d'esprit, peu d'instruction, aucun savoir-vivre, pas de tact, et son esprit est rouillé, moisi, à force de ne jamais parler que des domestiques, de ma santé et des chiens. Ma tante est un peu plus polie, elle l'impose même à qui la connaît peu. Et jamais dit leur âge. Sans la maladie, ma mère serait encore superbe. Ma tante a quelques années de moins et paraît l'aînée. Elle n'est pas belle, mais grande et bien faite. Vendredi 28 juillet. Berlin me rappelle Florence. Attendez, il me rappelle Florence parce que j'y suis avec ma tante, comme à Florence, et j'y mène la même vie. Avant tout, nous avons visité le musée. Je ne m'attendais à rien de pareil en Prusse, soit par ignorance, soit par prévention. Comme toujours, ce furent les statues qui me retinrent le plus longtemps. Et il me semble que j'ai un sens de plus que les autres hommes, une faculté spécialement destinée à la compréhension des statues. Il y a dans la grande salle une statue que j'ai prise pour une Atalante, à cause d'une paire de sandales qui semble là indiquer le sens principal. Mais l'inscription porte le nom de Psyché. C'est égal, Psyché ou Atalante, c'est une remarquable figure comme beauté et naturelle. Après les plâtres grecs, nous avons passé plus loin. J'avais déjà les yeux et l'intelligence fatigués. Et je ne reconnus la partie égyptienne qu'à ces lignes pressées et fuyantes qui rappellent les cercles produits dans l'eau par la chute d'un objet. Rien de plus terrible que d'être avec quelqu'un qui s'ennuie de ce qui nous amuse. Ma tante se pressait, s'ennuyait, grognait. Il est vrai que nous avions marché 2 heures. Ce qui est très intéressant, c'est le musée historique des miniatures, des statues, et puis les anciennes gravures et les portraits miniatures. J'adore cela. J'adore ces portraits. Et en les regardant, ma fantaisie fait des voyages incroyables, se transporte à toutes les époques, invente des caractères, des aventures, des drames. Mais assez. Puis les tableaux. Nous sommes arrivés au moment marqué pour la perfection de la peinture, l'idéal de l'art. On a commencé par des lignes dures, des couleurs trop vives et pâlies entre elles. Et l'on est arrivé à une mollesse qui frise la confusion. Il n'y a pas encore eu, quoi qu'on dise et écrive, il n'y a pas encore eu de copie fidèle de la nature. Il faut fermer les yeux sur tout ce qui a été fait entre le genre primitif et le genre moderne, et ne considérer que ces deux. La dureté, les couleurs aveuglantes, les lignes rudement tracées, voilà pour le premier. Le moelleux, les couleurs si liées entre elles, qu'elles perdent beaucoup de relief, peu de lignes, voilà pour le second. À présent, il faudrait, pour ainsi dire, prendre avec le bout du pinceau les couleurs trop vives des tableaux anciens et les transporter sur les fadeurs modernes. Alors, on aurait la perfection. Il y a encore le genre tout à fait nouveau qui consiste à peindre par tâches. C'est une grave erreur, bien qu'avec son aide, on obtienne quelque effet. Dans les nouveaux tableaux, les objets positifs, tels que les meubles et les maisons ou églises, ne sont pas compris. On dédaigne la précision des décors, et on produit une espèce de dépravation des lignes. On estompe trop. On peut estomper sans faire l'usage de l'estompe. Ce qui fait que les figures contrastent peu et semblent aussi mortes que les objets qui les entourent. Car ces objets n'ont pas assez de précision et semblent ne pas être complètement assis et immobiles. Alors, ma fille, puisque tu comprends si bien ce qu'il faut pour faire de la perfection, soyez tranquille, je travaillerai, et ce qui est mieux, je réussirai. Je suis rentré extrêmement fatigué, après avoir acheté 32 volumes anglais, en partie traduits des premiers écrivains allemands. « Déjà ici, une bibliothèque ?» s'écrie ma tante épouvantée. « Plus je lis, plus j'ai envie de lire, et plus j'apprends, plus j'ai de choses à savoir. Je ne dis pas cela pour imiter certains sages de l'Antiquité. Je sens ce que je dis. Me voilà en Faust, un antique bureau allemand devant lequel je suis assise, des livres, des cahiers, des rouleaux de papier. Où est le diable ? Où est Marguerite ? « Hélas, le diable est toujours avec moi. Ma folle vanité, voilà, le diable. Ô ambition non justifiée, inutile élan vers un but inconnu. Je déteste en tout le juste milieu. Il me faut ou une vie bruyante ou le calme absolu. Je ne sais à quoi cela tient, mais je n'aime pas du tout. Ah, non seulement je ne l'aime pas, mais je n'y pense plus. Et tout cela me semble un rêve. Mais Rome m'attire. Je sens que là seulement je pourrais étudier. » Rome, le bruit et le silence, la dissipation et la rêverie, la lumière et l'ombre. Attendez, la lumière et l'ombre, c'est clair. où il y a de la lumière, il y a l'ombre, et vice-versa. Non, mais je me moque de moi, c'est positif. Il y a de quoi tant que je voudrais. Je veux aller à Rome, le seul endroit du monde qui convienne à mes dispositions, le seul que j'aime pour lui-même. Le musée de Berlin est beau et riche, mais le doit-il à l'Allemagne? Non, à la Grèce, à l'Égypte, à Rome. Après la contemplation de toute cette antiquité, je suis monté en voiture avec le plus profond dégoût pour nos arts, notre architecture, nos modes. Si on prenait la peine d'analyser ces sentiments en sortant de Paris endroit, on trouverait qu'on pense comme moi. Pourquoi vouloir s'identifier aux autres? Tout en n'aimant pas la sécheresse et le matérialisme des Allemands, il faut leur reconnaître bien des qualités. Ils sont très polis, très obligeants. Et ce qui me plaît surtout, c'est ce respect qu'ils ont pour les princes et leur histoire. Cela tient à ce qu'ils sont vierges de l'infection qu'on nomme république. Rien ne vaut une république idéale. Mais la république est comme l'hermine, la moindre tache la tue. Et trouvez-moi une république sans tache. Non, cette villa est impossible. C'est un affreux pays. De belles maisons, des rues larges, mais rien pour l'esprit ou l'imagination. La plus petite ville d'Italie vaut Berlin. Ma tante me demande combien de pages j'ai écrites. 100 pages, je crois, dit-elle. En effet, j'ai l'air d'écrire, mais non, je pense, je rêve, je lis, puis j'écris 2 mots, et comme cela toute la journée. C'est singulier comme je comprends les bienfaits de la République depuis que je suis bonapartiste. Non, vrai, la République est le seul gouvernement heureux, seulement en France il est impossible. D'ailleurs, la République française est bâtie dans la boue et le sang. Voyons, ne pensons pas à la République. C'est que j'y pense depuis tantôt une semaine, car enfin, voyons, la France est-elle plus malheureuse depuis qu'elle est en République? Non, au contraire. Eh bien alors? Et les abus, il y en a partout. Ce qu'il faut, c'est une bonne constitution libérale, et un homme à la tête qui gouvernera peu et qui sera comme une belle enseigne, qui n'augmente pas la valeur du magasin mais qui inspire la confiance et est agréable à l'œil. Or, un président ne peut être cela. Mais assez pour ce soir. Une autre fois, quand j'en saurai davantage, j'en dirai plus aussi. Lundi 7 août 1876, 26 juillet. Nous n'avons d'original que le Moyen-Âge. Et je dis dans le dernier livre de mon journal, nous, qui, les chrétiens? Est-ce qu'en réalité le monde a été régénéré, ou bien, sous d'autres couleurs, les mêmes mœurs ont-elles coulé comme elles coulent depuis le commencement du monde, tendant toujours à l'amélioration? La vie des nations semble des fleuves qui coulent lentement tantôt sur des rochers, tantôt sur le sable, tantôt entre deux montagnes, tantôt sous terre, tantôt à travers un océan auquel ils se mêlent en le traversant, mais dont ils ressortent les mêmes en changeant de nom et même de direction. Mais ce n'est que pour poursuivre toujours la même, celle qui est fixée et inconnue. Par qui? Dieu ou la nature? Si Dieu est la nature, nous ne sommes que des imbéciles, car la nature n'a rien à faire avec les hommes et leurs intérêts. Dans les classes de philosophie, on prouve fort bien l'existence d'un être suprême, en désignant le mécanisme de l'univers. Mais prouve-t-on l'existence d'un Dieu tel que nous nous l'imaginons? La nature s'occupe à faire mouvoir les astres, à soigner physiquement notre terre. Mais notre esprit, mais notre âme. Il faut admettre un Dieu autre que là-bas guidé d'une personnification du mécanisme universel. Il faut... Pourquoi? À cet endroit, j'ai été interrompu et je ne suis plus au fait à présent. J'étais à la poste prendre mes photographies et une dépêche de mon père. Il télégraphia à Berlin que mon arrivée serait pour lui un vrai bonheur. Ayant trouvé Giro au lit, je restai quelque temps chez elle. Un mot ne fit parler de Rome, et je lui racontai mes aventures dans cette ville avec feu et geste. Je ne m'interrompais que pour rire et Giro et Marie se roulaient dans leur lit. Un trio incomparable. Je ne ris ainsi qu'avec mes grâces. Et par une réaction subite, sinon naturelle, je tombais dans la mélancolie au retour. Je rentrai à minuit avec l'oncle et Nina. Pétersbourg gagne la nuit. Je ne connais rien de plus superbe que la Neva garnie de lanternes contrastant avec la lune et le ciel bleu foncé, presque gris. Les défauts des maisons, des pavés et des ponts sont fondus la nuit par les ombres complaisantes. La largeur des quais apparaît dans toute sa majesté. Le pic de l'Amirauté se perd dans le ciel et dans un brouillard d'azur bordé de lumière, on voit la coupole et la forme gracieuse de la cathédrale d'Issaquié, qui semble elle-même une ombre flottante descendue du ciel. Je voudrais être ici en hiver. Mardi 22 août. 10 août. Il y a loin de la vie d'ici à la franche hospitalité de mon oncle Étienne et de ma tante Marie, qui m'ont cédé leur chambre et qui me servaient comme des nègres. Mais aussi, c'est bien différent. Là, j'étais en pays ami, chez moi. Ici, je viens, bravant les relations établies, et foulant sous mes petits pieds des centaines de querelles et des millions de désagréments. Mon père est un homme sec, froissé et aplati dès son enfance par le terrible général, son père. À peine libre et riche, il s'est lancé et à moitié ruiné. Tout bouffi d'amour-propre et d'orgueil puéril, il préfère paraître un monstre plutôt que montrer ce qu'il sent, surtout lorsqu'il est ému par quelque chose, et en cela il est comme moi. Un aveugle verrait combien il est enchanté de m'avoir, et il le montre même un peu quand nous sommes seuls. À 2 heures, nous sommes partis pour Poltava. Ce matin déjà, nous avons eu une escarmouche à l'occasion de Babanine, et en voiture, mon père s'est permis de les insulter au nom de son bonheur perdu, accusant tout grand-maman. Le sang m'est monté au visage, et je lui dis durement de laisser les morts dans leur tombeau. « Laisser les morts ? » s'écria-t-il. « Mais c'est-à-dire que si je pouvais prendre les cendres de cette femme et les... » « Taisez-vous, mon père. Vous êtes un impertinent et un mal élevé. » Chocolat peut être un impertinent, mais pas moi. Vous, cher père, et tous ceux qui manquent de délicatesse et d'éducation. Je ne veux pas qu'on parle ainsi. Si j'ai la délicatesse de me taire, il est ridicule que les autres se plaignent. Vous n'avez rien à faire avec les Babanines. Mêlez-vous des affaires de votre femme et de vos enfants. Quant aux autres, n'en parlez pas, comme je ne parle pas, moi, de vos parents à vous. Appréciez mon savoir-vivre, faites-en autant. Tout en parlant ainsi, j'éprouvais la plus grande admiration pour moi. Comment pouvez-vous me dire de pareilles choses ? Je le dis, je le répète, je regrette d'être ici. Je lui tournai le dos car j'étouffais de larmes et de rage de pleurer. Et lorsque mon père commença à rire, embarrassé et confus, essayant de m'embrasser et de m'attirer dans ses bras, « Allons, Marie, faisons la paix. Nous ne parlerons jamais de cela et je ne t'en parlerai jamais. Je te donne ma parole d'honneur. » Je repris ma pose naturelle, mais sans donner aucune marque de pardon ou de bienveillance, ce qui fit que papa redoubla d'amabilité. « Mon enfant, mon ange, je me parle à moi-même. Tu es un ange positivement. Tu savais toujours comment te conduire, mais tu n'étais pas en état. À présent seulement, tu commences à appliquer tes théories à la réalité. » À Poltava, mon père est roi, mais quel affreux royaume. Mon père est archi-fier de ses 2 chevaux Isabelle. Lorsqu'on nous les avança avec la calèche de ville, je daignai à peine dire « Très joli ». Nous fîmes le tour des rues, désertes comme à Pompéi. Comment ces gens-là peuvent-ils vivre ainsi ? Je ne suis pas ici pour étudier les mœurs de la ville, ainsi passons. « Ah ! » fit mon père, « si tu étais venu un peu plus tôt, il y avait du monde. On aurait pu arranger un bal ou n'importe quoi. À présent, il n'y a plus un chien, la foire est finie. » Nous avons été dans un magasin commander une toile à peinture. Ce magasin est le rendez-vous de la gomme de Poltava, mais nous n'y avons trouvé personne. Au jardin de ville, la même chose. Mon père, je ne sais pourquoi, ne veut me présenter personne. Peut-être est-ce la crainte d'une trop forte critique. Au milieu du dîner arriva M. Il y a 6 ans de cela, nous étions à Odessa. Maman voyait souvent Madame M. et son fils Gritz, venait tous les jours chez nous jouer avec Paul et moi, et me faisait la cour, m'apportait des bonbons, des fleurs, des fruits. On riait de nous, et Gris disait qu'il n'épouserait jamais une autre femme que moi. À quoi un monsieur ne manquait jamais de répondre « Oh, oh, quel garçon, il va ministre pour femme !» Les M nous reconduisirent jusqu'au bateau à vapeur qui devait nous conduire à Vienne. J'étais excessivement coquette, quoique toute petite. J'avais oublié mon peigne, et Gris me donna le sien. Et au moment des adieux, nous nous sommes embrassés avec la permission des parents. Jour fortuné de notre enfance, où nous disions « Maman, Papa ». Jour de bonheur et d'innocence, ah, que vous êtes loin déjà. Vous savez, adorable cousine, Gritz est un peu bête et un peu sourd, dit Michel E, pendant que M montait les marches de la galerie du restaurant. Je le connais bien, cher Gomeux, il n'est pas plus bête que vous et moi, et il est un peu sourd à cause d'une maladie et surtout parce qu'il met de la ouate dans ses oreilles de peur de se refroidir. Plusieurs personnes déjà s'étaient approchées et ont serré la main à mon père, grillant d'être présenté à la fille qui arrive de l'étranger. Mais mon père n'en fit rien, me faisant des grimaces de dédain. Je craignais déjà qu'il n'en fût de même avec Gritz. « Marie, permettez-moi de vous présenter Grigory Lebovitch M. » dit-il. « Nous nous connaissons depuis longtemps, » dis-je en tendant gracieusement la main à mon ami d'enfance. Il n'a pas du tout changé. Le même teint éclatant, le même regard terne, la même bouche petite et légèrement dédaigneuse, une moustache microscopique. Parfaitement mis et d'excellente manière. Nous nous regardions avec curiosité. Michel faisait des grimaces sarcastiques. Papa clignait des yeux comme toujours. Je n'avais pas faim du tout. Il est temps d'aller au théâtre, qui se trouve dans le jardin, comme le restaurant. Je proposais de nous promener un peu et d'y aller ensuite. Le modèle des pères se précipita entre moi et Gritz, et lorsqu'il fut temps d'aller au théâtre, il accourut et me présenta vivement son bras. Un vrai père, parole d'honneur, comme dans les livres.